Chapitre 35e. L'odieux guet-apens. C'était Riri, en effet. Sur la demande express d'une importante cliente, le couturier Perkins avait envoyé Riri chez elle avec un carton contenant divers échantillons d'étoffes, parmi lesquels cette cliente, ne pouvant se déranger aujourd'hui, voulait immédiatement faire un choix. Une automobile qui attendait à la porte du couturier devait emmener et reconduire la jeune ouvrière. Sans arrière-pensée donc, sans redouter quoi que ce soit, Riri, cependant très prudente, prit place dans l'automobile, toute contente d'ailleurs de faire une promenade dans une auto élégante et confortable. Elle ne savait pas où demeurait cette cliente. Par conséquent, ne s'étonna pas quand elle vit l'auto s'engager dans le bois de Boulogne. Elle commença seulement à concevoir des inquiétudes quand l'auto, ayant traversé le bois, grimpa la fameuse côte de Suresnes. À ce moment, elle voulut demander au chauffeur où on allait. Elle chercha le cornet acoustique, mais il n'y en avait pas. Cela l'étonna un peu qu'une voiture de ce luxe n'eût pas de moyen de communiquer avec le chauffeur. Elle essaya alors de parler par la glace de la portière, mais il lui fut impossible de la baisser, de la faire rentrer dans la rainure, de même qu'elle sentit que malgré tous ses efforts, elle ne parviendrait pas à ouvrir la portière. Alors Riri comprit qu'elle était tombée dans un piège, dans un guet-apens. Elle regardait par la glace, appelant, faisant des signes de détresse, que d'ailleurs à cette vitesse personne ne pouvait remarquer. La voiture, annoncée bruyamment, trouva ouverte la grille d'une villa. Elle n'eut qu'à y pénétrer sans presque diminuer son allure. Derrière elle, la grille se referma aussitôt, et cette grille était en arrière revêtue de plaques de tôle qui empêchaient de voir depuis la rue ce qui se passait dans le jardin, dans la maison. Devant le perron, l'auto s'arrêta et la portière s'ouvrit. Un valet de pied, raide, très correct, qui s'était avancé, répondit « Madame attend mademoiselle. »« Ici ?» fit Riri, encore inquiète. « Si mademoiselle veut bien me suivre. » De l'intérieur de la villa, une voix cria « Faites entrer dans le petit salon !» Et une femme courte, épaisse, dans laquelle Riri crut reconnaître la cliente, passa dans l'ombre au fond du vestibule. De cette majestueuse personne, une voix sortait qui disait à Riri « Je suis à vous, je redescends, 2 minutes. » À peu près rassurée, Riri suivit le valet de pied qui ouvrit devant elle la porte du salon. Riri entra, tenant toujours son carton à la main. Elle regarda cette pièce qui lui parut richement meublée. Mais les croisées, bien qu'il fît jour, étaient closes et seuls les becs électriques d'un lustre de cristal éclairaient le petit salon. Riri attendit quelques minutes. Enfin une portière se souleva, quelqu'un parut. Aussitôt Riri poussa un cri de surprise. « Le comte de la Guérinière !» Le comte s'avança en souriant vers la jeune fille. « Je vous fais donc bien peur, ma chère Riri. »« Non, monsieur, » répondit Rirette, cherchant à se donner une contenance assurée. « Non, je n'ai pas peur. J'en suis heureux. Mais je suis venu ici pour une cliente de la maison. Elle va descendre tout à l'heure. Elle m'a chargé de la remplacer auprès de vous, en attendant. » J'ai apporté les échantillons, les voici. Je les laisse. Ma présence n'est pas nécessaire pour le choix. On ne savait sans doute pas à l'atelier qu'on m'emmènerait si loin. Je dois rentrer. Attendez un instant. Non, monsieur, je veux partir. Il vous déplaît donc beaucoup de causer avec moi. Je vous prie de me laisser partir. Accordez-moi quelques minutes, de grâce. Non, monsieur, je vous en prie. Tout en parlant, Riri faisait le tour du salon et elle se trouvait maintenant devant la porte par laquelle elle était entrée. Elle essaya de l'ouvrir, mais la porte résista, elle ne s'ouvrit pas. Riri comprit alors qu'elle ne pouvait plus se faire d'illusions. Elle venait de tomber dans un odieux guet-apens. Sous son apparence gracile et charmante, Riri gardait une âme courageuse. Elle vit le danger et s'apprêta à y faire face. « Veuillez ouvrir cette porte, » dit-elle au comte. Le comte sourit et remonta jusqu'à elle. « Pardonnez-moi, ma chère Riri, j'ai dû employer ce stratagème. » Pour pouvoir enfin vous parler à cœur ouvert. C'est inutile, monsieur, je n'ai pas à vous écouter. Avez-vous lu mes lettres? Je veux partir. Dans mes lettres, je vous disais l'amour profond que j'éprouve pour vous. Laissez-moi partir. J'ai essayé de vous le faire entendre quand j'ai pu vous parler sur le chemin de votre atelier. Mais vraiment, l'endroit était mal choisi. J'ai pensé qu'ici, dans cette maison, je pourrais vous le redire plus convenablement et tout à mon aise. Je n'ai ni à vous écouter, ni à vous répondre. Par conséquent, il est inutile de compter sur un lâche et odieux guet-apens pour me forcer à entendre des paroles qui me désobligent et me blessent. Ma chère Riri, assez, monsieur. s'écria Riri en s'écartant du comte. « Je vous aime. Ne me fuyez pas ainsi. Croyez à mes paroles. Ce n'est pas un amour banal, une simple fantaisie qui m'attire vers vous. C'est l'amour dans ce qu'il est de plus pur, de plus ardent. C'est un amour qui prend tout mon être et le gardera jusqu'à la fin de mes jours. » Le comte poursuivait la jeune fille. Elle le fuyait, tournait autour du petit salon, passait entre les sièges, derrière les meubles, pour dresser des obstacles entre elle et cet homme. Mais le comte activait sa poursuite et serrait de plus en plus la jeune fille, cherchait à l'enfermer dans un angle du salon vers le canapé. « Monsieur, votre conduite est infâme. Et le seul sentiment après celui que je puisse éprouver pour vous est la haine. Ainsi donc, il est inutile de me retenir plus longtemps. « Non, Riri adorée. Vous changerez de sentiment à mon égard, quand vous me connaîtrez mieux, quand vous saurez vraiment combien grand est mon amour, quand vous pourrez apprécier la force de ma passion pour vous. » Il avança la main pour la saisir. « Ne me touchez pas !» cria Riri. « Ne me touchez pas !»« Allons, allons !» fit le comte. « Ne faisons pas la méchante comme cela !» Échangeant de ton brusquement, se démasquant d'un ton railleur, maintenant certain de la victoire, il reprit. « À quoi cela vous servira-t-il, voyons? Réfléchissez. Vous êtes ici, chez moi, dans une maison à moi. Mieux vaut de bon gré m'écouter. » Riri, maintenant enserré dans l'angle où voulait la conduire, le comte se mit à crier. « À moi! Au secours !» Le comte ricana. « Inutile d'appeler. On ne peut vous entendre, et personne ne viendra. Écoutez-moi. La résistance est inutile. Je peux user de ma force, mais je veux que vous cédiez de bonne volonté. Non, c'est odieux. L'amour excuse tout, et mon amour est infini. Écoutez-moi, Riri. Ce n'est pas seulement ma maîtresse que je veux que vous soyez. Vous serez ma femme, entendez-vous, ma femme. Oui, vous serez comtesse, la plus belle comtesse, la plus aimée, la plus fêtée. Vous êtes un misérable. Je suis une pauvre fille. Je n'ai qu'une sœur infirme, une mère mourante. Je n'ai ni père pour me défendre, ni frère pour me venger, et vous abusez de votre force pour me déshonorer, pour me perdre. C'est infâme, c'est lâche. Puisque je réparerai, puisque vous serez ma femme, laissez-moi partir. À quoi bon maintenant? Tout le monde sait que vous êtes monté dans ma voiture, que vous êtes venu chez moi, à la campagne. Tout le monde croira que vous êtes ma maîtresse, que vous le vouliez ou non. Dès maintenant, vous êtes bien à moi, oui, bien à moi. Et faisant encore un pas, il dit « Donc, ma chère Riri, toute résistance est vaine et toute tentative de lutte bien inutile. » Il touchait maintenant presque la jeune fille. « Laissez-moi, » reprit-elle, « laissez-moi, je vous méprise, je vous hais. » Le comte ouvrit les bras, la saisit. « Allons, tout cela c'est du badinage, du temps perdu, je vous aime, je vous veux, je vous aurai. » Il entraîna Riri vers le canapé. La pauvre enfant criait. Appelait au secours, se débattait. Elle mordit le comte à la main, planta ses dents de perles dans la chair si fortement, si profondément, que le comte poussa un cri de douleur et dut ouvrir les bras. Riri se dégagea et se sauva, appelant, criant au secours. Mais le comte revint maintenant furieux. Les yeux brillants de colère, il s'élança vers elle. « Allons, à cette comédie, finissons-en !» Dans la main, il tenait un mouchoir, et dans ce mouchoir il gardait une petite ampoule de verre pleine de chloroforme. Mais Riri se redressa tout à coup. Elle ne disait plus rien, ne criait plus, mais énergique et courageuse, elle tenait dans sa petite main ses ciseaux d'ouvrière, comme si c'eût été un poignard. Riri s'apprêtait à se défendre. Le comte, surpris, s'arrêta, hésita. Puis il eut un grand éclat de rire. « Ha ha ! La belle arme ! C'est l'épine de la rose, qui n'a jamais empêché la rose d'être cueillie. » Mais, comme il allait revenir à Riri, ce fut Riri qui bravement bondit sur lui et qui, de toutes ses forces, devançant son attaque, lui enfonça ses ciseaux dans la gorge. Le comte hurla de douleur et recula, laissant tomber à terre le mouchoir et l'ampoule de chloroforme. Riri, ses ciseaux pleins de sang à la main, frappa encore une fois le comte, puis courut à la croisée. D'un coup de poing, elle fit voler en éclats un des carreaux et de nouveau se mit à appeler au secours. « À moi ! À moi !» Et du dehors, des voix répondirent « Voilà, voilà, du courage! Où êtes-vous? Ici !» cria Riri. « Ici !» Elle essaya d'ouvrir les persiennes. Elles étaient cadenassées, mais elle donna dessus des coups de poing. Presque aussitôt, du dehors, les persiennes furent attaquées. Quelques coups de hachette et l'une d'elles sautait, laissant un passage. Un homme bondit dans la pièce. Au même moment, le comte de la Guérinière, ayant profité de ces quelques minutes pour, malgré la douleur, se remettre de la blessure des coups de ciseaux, s'arma de son revolver et fit feu. L'homme, qui venait d'entrer, assez grand, correctement vêtu, portant une barbe noire en pointe très soignée, se mit devant Riri pour la préserver des projectiles du comte. Mais Riri se campa, droite, fière et sans trouble, heureuse, triomphante, regardant en souriant le comte dont la défaite soudaine, inespérée, la comblait de joie. Elle semblait ne se soucier en aucune façon des coups de revolver. Elle était superbe ainsi de beauté et de bravoure. Mais l'homme à la barbe pointue se tint cependant devant elle pour la garantir, la protéger contre les coups de feu, et il la repoussa vivement vers la muraille. En même temps, il fit tournoyer sa hachette qu'il tenait encore à la main et la lança contre la Guérinière. La hachette siffla et alla atteindre le comte qui finissait de décharger son arme tout en reculant vers une des portes du salon. Atteint à la tête, le misérable chancela et tomba près de la portière. L'homme à la barbe noire se précipita vers lui, mais il dut tourner autour des meubles renversés par Riri sans défense. Quand il arriva à la portière, le comte venait soudain de disparaître derrière une détenture. L'homme se heurta à une porte fermée, à un mur. Une large tache de sang restait seule comme trace du passage du comte. Un autre homme, c'était cette fois notre ami Lamorce, était peu après le premier entré dans le petit salon par le même chemin, par la croisée. Lamorce s'empara de Riri. « Vous n'êtes pas blessé au moins ?»« Non, monsieur, non. Merci. Vous venez de me sauver. Merci. » L'homme qui courait après le comte avait ramassé la hachette et s'apprêtait à faire sauter une des portes. Tout à coup, il s'arrêta dans son attaque et cria à son compagnon « Gare, vite, près du mur, au mur !» Lui-même abandonna la porte qu'il allait briser, se rangea près du mur, sauta sur le canapé. Le conseil était bon, car presque aussitôt on vit le grand tapis qui couvrait le plancher s'enfoncer, faire poche sous lui. Une large trappe venait de jouer, un abîme se creusait, une oubliette s'ouvrait. Mais près des murs, il est difficile de pratiquer les trappes, et Lamorce, son compagnon, la jeune fille, demeurée sur la partie stable du plancher, devait éviter de tomber dans le trou. L'homme à la barbe noire se pencha toutefois, s'allongeant sur le canapé, et il cueillit adroitement le mouchoir et la petite ampoule abandonnée par le comte blessé. Puis il rejoignit son compagnon et la jeune fille près de la croisée. Alors, d'un nouveau coup de hachette, il fit voler la serrure et il l'ouvrit toute grande. Lamorce sauta dans le jardin, revolver au poing. Il jeta rapidement un coup d'œil pour inspecter les environs, puis il revint à la croisée et tendit les bras. « On peut y aller, » dit-il. L'homme à la hachette lui passa Riri, et lui-même ensuite sauta dans le jardin. Tous deux mirent entre eux la jeune fille, la protégeant, la couvrant de leur corps. Revolver au poing, rapidement, prêt à la défense, ils coururent à la grille de la villa sans être inquiétés. La maison, le jardin, à présent semblait absolument désert. Devant la grille stationnait une automobile. Mais une fois hors de danger, Riri, qui jusqu'ici s'était montré d'un courage admirable, d'une bravoure charmante, se voyant couverte de sang, tout à coup poussa un cri et tomba sans connaissance. Après une si violente secousse, la soudaine détente était trop forte pour ce délicat organisme de jeune fille. Lamorce, son compagnon, voyant le sang qui couvrait ses mains, son corsage, la crurent blessée, atteinte par un des coups de revolver du comte. Ils n'osèrent alors la hisser dans l'automobile. Cependant, au coup de feu, on était accouru d'une villa voisine, touchant presque à celle où ce drame venait de se dérouler, et on offrit le secours nécessaire. L'homme à l'hachette accepta, il prit Riri dans ses bras et la transporta prestement dans cette villa. Sur le perron de la maison se tenait, péniblement appuyé au bras d'une charmante jeune femme, un homme jeune encore. Il commandait à ses gens « Vite, qu'on amène la blessée ici, préparez ce qu'il faut pour les premiers soins, puis dans l'auto, allez chercher un médecin, vite, vite !» C'était André Girardet et Madame Laurent que les coups de feu de la villa voisine avaient troublé dans leur paisible repas. « Oh !» s'écria Madame Laurent, « c'est une jeune fille qui est blessée. La pauvre enfant, morte peut-être ?»« Non, madame, » répondit l'homme qui portait Riri. « Non, elle n'est pas morte, mais j'ai peur qu'elle ne soit grièvement blessée. Il faut la soigner, la sauver. Vite, monsieur, portez cette pauvre enfant dans cette pièce. Déposez-la sur le canapé, doucement, là, bien doucement. » Madame Laurent, sur la prière d'André Girardet, prenait la direction de la maison, faisait absolument fonction de maîtresse du logis en cette douloureuse circonstance. Ayant déposé Riri sur le canapé, l'homme se retira, disant à l'amorce : « Tu feras le nécessaire. »